Les médias étrangers ont présenté le 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung. L'agence de presse cubaine Prensa Latina, les journaux bangladais Daily Folk et Dainik Prabhat, les radios nationales, internationales et en cette langue nationale de Guinée, ont exalté les exploits immortels du président qui a consacré toute sa vie pour le peuple. La radio guinéenne Renaissance a présenté en détail le Kim Il-sungien, fleur d'honneur.